faire quoi qu'on fasse. L'amour me rend aveugle, hélas. Puis je me suis mis à parler. Je n'ai rien pu articuler. C'est impossible car la passion m'a rendu mais d'admiration. Je suis manchot des deux bras.